nous ni la langue facile, parler plus vite que nous pas penser. Ça capété contre Tchernobyl, c'était réminé que cadence. Fait promesse que nous peut pas quimber pour mettre la ligne et la voilà. T'es des illusions, ça pas karaté, mensonge toujours fin pas rattrapé. Ni rôle principal pour lire l'amour, ça qu'on cinéma. J'allie tout scénario, son y japonais fin là. Mais tout temps y qu'a joué, ou pas tes gens me disent ça. C'est ça, crier grand acteur qu'a mérité un Oscar. Ça qu'a vint dangereux, leur voix qu'a mettre Timouna dans ça. Quand on a des enfants, faut pas divorcer, c'est ça. Plus mauvais, leur qu'a fait, yo servi à dans alibi là. Vous a fait un marché, ou qu'a changé script là. Ça paye un pote qui moune, t'apprends gars si route là. Pas ni doute là, film là, nous pour un bout là. Rachez quelqu'un coupe là, arrêtez autres pour suivre ça. C'est l'histoire grand nom qu'a joué qu'on s'est Timouna. Jouer avec quoi, madame Black, Jack et Poker. Jouer avec boule, c'est foot ou bien basketé. Jouer avec mousse, c'est domino, belote. Mais jouer avec l'amour, ça c'est Hollywood, avec acteur. Jouer avec quoi, madame Black, Jack et Poker. Jouer avec boule, c'est foot ou bien basketé. Jouer avec mousse, c'est domino, belote. Mais jouer avec l'amour, ça c'est Hollywood, avec acteur. Hollywood, avec acteur. Si femme passe en meilleur, on l'aide, passe si ta facteur. Manipuler l'esprit à monde, gros si c'est dictateur. Sans mémi, bah, croche pas, ou qu'à tomber à terre. Moun qui lâche pas, ça fait face, qu'on m'en t'y a menté. Qu'on prenne ses dés, qu'a fait yon, qu'on baste, grande terre. Mais là, regardez, c'est moun d'en même, pas bah, on l'y a l'envers. Bah, yon le paradis. Yo kaba ou l'enfer, grand frère. Faut que t'es songé, mets ton coup de frein. Ça te paie maman, te paie serre, ou te baille l'enmer. Hein? Fait qu'on s'y ou pas attendait. Qu'on cyclone, c'est un zé là tout seul, nous fait le plein. Digital, si qu'est amour, nous laisser en prête. Pété balle, plus fort qu'il décibel à enceinte. Même les yo ba ou pas, le bail bon fin. Tout JCG là reste en ou déjà connaît. Tout ça, jouer avec quoi, madame Black, Jack et Poker. Jouer avec boule, c'est foot ou bien basketé. Jouer avec mousse, c'est domino, belote. Mais jouer avec l'amour, ça c'est Hollywood, avec acteur. Jouer avec quoi, madame Black, Jack et Coquet. Jouer avec boule, c'est foot ou bien basketé. Jouer avec moule, c'est domino, belote. Mais jouer avec l'amour, ça c'est Hollywood, avec acteur. L'amour sans l'amour, l'amour trop jaloux. Ou pas joie, pas joie, joie, pas chouchou. Non, pas joie, pas joie, joie, pas chouchou. L'amour, pas tout. Vous êtes dans Conlambi, spécial musique jeudi, comme tous les premiers dimanches du mois. On démarre toujours avec une sélection de nouveautés, les sélections du mois. On a démarré avec Cacophonie Beatmeka, le titre Ancel Love, extrait de sa, de son album We Love Haiti. Allez chercher ça. On a enchaîné avec un inédit de Flo Pajoua en libre téléchargement sur sa page SoundCloud. Et on enchaîne avec encore du hip-hop créole, le nouvel album de McFly qui sort le 5 décembre, le titre Kakika Passé, produit encore par DJ Phony. Il t'a dit mon a déréglé, conseille pas à tourner rond. Kakika fait, Kakika passé. Nous parle de Bayou, man. Fais le temps, écoutez, check. Mes gars qui ka passé, tout le monde qui a déprimé. Au lieu que nous français, nous-mêmes qui a régressé. Tout le monde l'a dépressé, on rythme accéléré. On époque à monde fou, on monte à se quêlé. Malévé, qualité, pour y'a pas arrivé. S'arrête positif, y'a qu'à arracher chivé. Planète là qu'a tourné, qu'on cite à l'envers. Paradis là en ciel, est-ce que c'est l'enfer? Tout bitin brisé, des villes là qu'a brisé. Le pire nous qu'a frisé, aïen pas maîtrisé. Ni ça qu'a maîtrisé, c'est bombé puis fisé. Si toi y'a qu'a voyé, pour faire y'a pas tué. Avant réflexion, mais pitons on constat. Bitin là au kilo, nous tout déjà au combat. On vit meilleur, t'y n'y on l'a attendre ça. C'est y'a qui l'éternel, qui met loi dans ça. On m'a fait une gueule, mais dis-moi qu'a qui t'a passé. Y'a qui m'était gâté, j'en la tête à tourné. Tout pas tout parler, c'est moun qui t'a couré. Moi même qu'a mandé, qui bitin nous tourné. On m'a fait une gueule, mais dis-moi qu'a qui t'a passé. Y'a qui m'était gâté, j'en la tête à tourné. Tout pas tout parler, c'est moun qui t'a couré. Moi même qu'a mandé, qui bitin nous tourné. On a un système où pour être il faut avoir. Le matériel a pris le pas sur le savoir. La bête est partout, elle nous tient dans sa mâchoire. Il y a des évidences qu'on ne peut pas ne pas voir. Tout est sacrifié à des fins économiques. On ne fait pas attention au drame écologique. Le mic est dans ma main en prise ergonomique. Plus le temps de jouer aux gosses égocentriques. Il nous faut du bon sens, ça aller dans le bon sens. Je dis ce que je pense, ce que j'ai sur la conscience. Aucun des dirigeants ne m'inspire la confiance. Hypocrite en puissance, enquête de récompense. J'ai une pensée pour les prochaines générations. Quel que soit le pays, quelles que soient les nations, quelle que soit l'origine, pas de ségrégation. Leur avenir est dans nos mains, dans nos actions. Comme Marvin Gaye, les dîmes cas qui t'a passé. Bien qu'il était gâté, j'en la tête à couler. Tout partout, parler, c'est mon qui t'a coupé. Moi-même, camarade, qui m'était nous tourné. Comme Marvin Gaye, les dîmes cas qui t'a passé. Bien qu'il était gâté, j'en la tête à couler. Tout partout, parler, c'est mon qui t'a coupé. Moi-même, camarade, qui m'était nous tourné. Check. Faut nous faire des red man. Pas la guerre. Faut nous prier l'éternel. M'a des forces pour nous avancer. L'éternel. On l'a complètement déclé, man. Et c'est à nous de remettre bien l'autre. Come on. Il y a aimé, comme ça. Can crack it, still crash it, still clash it. But a bit city, divinity, on the like a boy. Ni l'amour en sachet, tout côté, pas éché. Sans foi, ni loi, ou ni droit, pas ni des voix. Personne ne craint personne, avec un six coups, Smith et Wesson. Mitte la vie ni rough, pas ni l'argent, c'est la crise. Pas ni l'amour, c'est le biz. Chérif là, tourné alcoolique, il ka fumé ta iconique. Il ka vendre comme zèbre et chute. Boss de lait, point tapit, si vous voulez reposer. Croc comme un follow chier, ok, truc, si non bon. Ça c'est si vous voulez manger, si vous sentir un danger. Prévoir un matos, wal wal west. Distrop desperados. But a bit city divini ovi like a boy. Moun ken crack it, si ou crash it, si ou clash it. But a bit city divini ovi like a boy. L'amour en sachet, tout côté pas éché. Johnny Jumper, peut-être taille fumé, crack qui pas belle. Lucky Luke vient pour sauver, pays là, mais il dead. Plus vite que son ombre, pas ni l'ombrage, soleil la red. Il est à pas soleil, c'est la pelika, négio, sec. Ni tempête à farine, poussière comme poussière faite. Vini voye fifi, Nessi, point tapit en maître. Boulangerie gravant, H24, mélange avec bicarbonate. Ammoniac, farine, farine. But a bit city divini on vit la sex toy. Ka parle toute langue anglais, espagnol et créole. Pour $30 ou chercher ou qu'est trouvé bonnet. Avec des moun vini ka rempli les salons à ciel ouvert. Pour papi, mami, pas de bol. Vida sa pas drôle. Pour des cellophones en pactol. Papa des trop trop alcool. C'était de la ka chauffer vite. Vite dans la capacité d'un trip. Criminal, criminel, panamé gangster. Vini official. Inédit de Star G. Un single, Le rêve est mort, avec en face B, Cowboy Town. Allez chercher sur sa page Bandcamp. On va enchaîner avec deux extraits d'un projet, d'un gros projet hip-hop créole qui s'appelle Dawick. C'est le volume 2. On va écouter tour à tour Creamy, le titre en beat, en mic et en feuille, et G-Scalp avec Chant de Bataille. C'est sa monnaie entre moi, mon camarade en l'air. Et puis la voix en café, baille la voix en sa feuille. Ou juste mettant chez moi, bâti autant des oreilles. Y'en pas café, y'en pas feuille, y'en pis tant pis qu'est qu'on feuille. C'est sa monnaie entre moi, mon camarade en l'air. Et puis la voix en café, baille la voix en sa feuille. Ou juste mettant chez moi, bâti autant des oreilles. Bic moi en cap, flégué en l'air en papier à cap. Tout est vite la poutonne, chez moi cabane. Son tas la cabane, on pas écrit en 3-4. En pété tête moi en l'air, qu'on chat qui prie à ton sac. Finissant moi en chaque parole que en 4 chat. En cap pas choc en tête, mais en cap fait tape moi sans chat. En l'autre choqué, j'en dis joue, à dans musique, vine go chat. Tout ça c'est business en bafé, moi en 6 mai pour la chape. On pas les fêtes à 4, on pas les fines à 4 pattes. Pour toucher le jackpot, on cap subi le boycott. En connaissant le bloc bloc, cap fait mes toutes potes. Pour pas où on bat les spots, même si on cap crasé, passé en chocotte. En la sève hippopote, en la stébé la pote. Pour yo taper la cote, en cap bayo choc en bloc. Lyrique sale et bon boc, gis bisou en bic, et gagne des feuilles dans un bloc. On pas qu'à feuille, on pas feuille, on bite en bique et qu'on feuille. C'est sa monnaie en chez moi, mon gamache en l'air. Et puis la voix en café, baille la voix en sa feuille. Ou juste mettre en chez moi, bâti autant des oreilles. On pas qu'à feuille, on pas feuille, on bite en bique et qu'on feuille. C'est sa monnaie en chez moi, mon gamache en l'air. Et puis la voix en café, baille la voix en sa feuille. Ou juste mettre en chez moi, bâti autant. Avant nous tourner en champ de bataille, on a de l'ouest à tout la nigona. Eh ben dis-yo que nous, ah oui aussi. On nous livre bataille, nous seuls contre toutes ces petits détails. C'est remet en moins fort et ça qu'est aïe. wa mwen ou se meye kado. Love a wan kachaye eve mwen kon sa kado. Pa lese yo met me a dan sa ki pata yo. E te skamele yo de tout sa ki pata yo. Nou pon an bon wagon nou de ka distanse yo. Pale yo ve pale men nou ka dispense yo. Yo blese nou blesi an nou pense yo. Yeah, e nou ke fight, e nou ke fight, yeah. An nou livre batay. Nou sel kont yo tout se ti detay. Se reme an mwen fort e sa ke ay. Mem si nou kontri obstak, se men ki che fe di hack. Ou ka just fe mwen fly. Vine mwen pou nou pe touch the sky. Love an nou ke pi fort e ke de tay. Nous pas qu'à plaire peine en nous. Nous positifs non, nous pas qu'à cracher en nous. Nous blessed, so blessed, oui c'est ça qui vient en nous. Entre fake and snitch, oui nous j'a fait en tout. C'est le médicament nous ni, prescription c'est l'amour. Nous ni force et volonté, et nous qu'à quoi en nous. Confiance et assurance, pour si c'est vrai en nous. Yeah, et nous qu'est tight, Encore deux extraits de la compilation Da Week Volume 2 qui est déjà disponible. Allez chercher ça, un projet avec près de 60 artistes hip-hop créole en 4 volumes. Le deuxième volume est donc dans les bacs. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un clip de ce titre, Chant de bataille de G-Scalp, qui allait bientôt arriver. On va quitter le hip-hop créole, toujours dans Musique Jeudi, Conan Ambi. On va enchaîner avec un extrait du nouvel EP de Celia Wa, Siwo Miel. De son tout nouvel EP, encore disponible, on vous rappelle, dans Musique Jeudi. On fait un petit panorama de toutes les musiques créoles contemporaines, principalement de Martinique et Guadeloupe. Et là, on part en Martinique avec le single de Madounina, le titre « Sioulé ». See you. que tu es comme moi à la tâche, fais sans relâche, qui viré baille en coup de cravache. Qui m'a foutillé ça, faut des pas oublier ça, à pas tout l'air qu'a passé belle première fois. Essayez, virer, essayez, péter Joe Louis, commencez. C'est qu'on sort au cap. Chaque l'air en tombé, tu en river, il élevé. C'est pour moi recommencer. On a fait garder, tester tout côté, en pièce sans pas limiter. Et même les on flippé, les ouais on est en l'idée, c'est décidé, on décidé. A pas pièce gant mon café, a pas carré en cacaré, mais ni en bagaille en assuré. Limite là c'est ciel là, c'est vrai. Limite là c'est ciel là, sur les. Et qui ouvre zèle ou est volé. Sa ou lè an fonche ou sa ou an vi vreman. Ki sa ka fè an vibre, mèm jan e ka fè an flipe. Vre, yen ki gade la ou lè rive, pa tripe an lè la ou ye. An tè tout sa ye, an, en men kon ou pe tche ou en. Le reste en cas est venu. Si vous voulez, si vous voulez. Limite là c'est ciel là, sur les. Et qui ouvre zèle ou est volé. Nouveau single de Madou Nina, si vous voulez. On touche tout doucement à la fin de la sélection des nouveautés. Et à la moitié de l'émission, parce qu'on va bientôt recevoir Jenny pour son nouvel album Liberté. Avant ça, on va partir du côté de la Jamaïque, parce que Yanis Odua a enregistré son album en Jamaïque. Le titre, c'est Music is My Life avec le groupe C Sharp. On rappelle que Yanis Odua a été en concert pour un très gros concert au Divan du Monde ce mois-ci et qu'il est actuellement en tournée dans toute la France pour son album Moment Idéal. Yanis Odua. C-sharp. Everything we do is music, yeah. So please stop. Alright. Ok, c'est parti, j'suis dedans. Sur un rythme comme ça, c'est easy, c'est même plaisant. Entends comment ça swing, comment c'est tentant. J'en garde du style, du flow, de la vibe, c'est ça sur n'importe quel continent. Si t'as du reggae, j'en veux tout le temps. Hip hop, underground, je suis le mouvement. Soul ou R&B pour les doux moments. Si t'as du bel écho, casso, qu'à la chaleur, on a sa danse. Chaque pays a sa musique qui est appropriée. Chaque époque est manquée par ses notes qui l'ont bercé. Quel que soit son rythme, elle nous fait bouger, avancer. Personnellement, je n'allais jamais tombé. Music is my life. And I'm be off the That's why we have to praise you every day. Music is my life. Only the best she bring. Carry the better thing. And this is all I know. Music is my life. Reggae music have to play. Teach me and follow me everywhere. Music is my life. Only the best she bring. Carry the better thing. And this is all I know. Every minute, every day. We are gonna sing it, yeah. Yanis and C Sharp, yes, we are gonna bring it. Ooh. Never underestimate the power of the music. And music choose we and now we choose it. Music is all we ever know. So track the rhythm, make the melody start to flow. Oh, you know why? Music is my life. That's all we have to say. That's why we have to praise her every day. Music is my life. Cause it is what I'm bringing, yes, it's the greatest thing. Cause it is all I. I bring and it's the greatest thing, cause this is all we know. Are you me? Forever. Tu peux le dire à tout le monde, la musique qu'on ne soit jamais tombé. Aussi âgé que le monde existe depuis des millions d'années. On va la défendre contre ceux qui veulent la condamner. Pas de quoi se méprendre sur notre attitude, c'est spontané. Côté mystique, mais aussi de méduse et hypnotise. Et se déguise à sa guise et utilise. Après Music is my life, on va rentrer dans le vif du sujet, l'album Liberté de Génie. On va écouter Music en nous, la combinaison entre Génie et Jocelyne Béroir. Et juste après le titre, on va discuter avec notre invité. S'appelle Liberté, l'artiste qu'on vient d'entendre s'appelle Génie. Un album qui revendique la couleur caco, non pas sur un ou deux morceaux, mais véritablement sur son ensemble. Et là, c'était la rencontre avec Jocelyne Béroir, chanteuse du groupe Kassav, qui dans les années 80 a énormément expérimenté pour développer le zouk. Et je trouvais que cette combinaison est vraiment très symbolique, parce qu'on peut un peu dire dans ce sens que le zouk était un peu le caco de cette époque. Donc Génie, déjà bonjour. Bonjour. Et on va démarrer sur ce sujet. Est-ce que ce morceau, c'est un passage de relais? Ah ah, ça il faudra poser la question à Jocelyne. Mais pour moi, c'était symbolique en tout cas. Parce qu'effectivement, au moment où je suis allée voir Jocelyne à l'époque, j'avais déjà plus ou moins maquetté le titre. J'avais déjà une idée de l'endroit où je voulais aller, mais j'avais peur de lui proposer. En lui disant oui, donc là je pars dans un univers avec des potes, dans une direction qui est appelée caco. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'arriver en revendiquant déjà un esprit, une musique qui est différente alors qu'on a plein de musique déjà chez nous, en même temps celle qu'on fait est totalement nourrie de ce qui existe, mais est-ce que c'est pas trop présomptueux? Est-ce que voilà. Et elle m'a répondu très simplement à l'époque, c'est pour ça que c'est super juste ce que tu viens de dire. Elle m'a dit, tu sais, au tout départ, nous, on a commencé à créer sans se poser de questions, on a expérimenté, on a mélangé les influences, on s'est pas posé de questions. Faites exactement la même chose, soyez libre, créez la musique qu'il y a à créer. Et au départ, j'ai même eu très peur, je me suis dit, bon, elle va pas oser dire caco, est-ce qu'elle va le faire, etc. Et pas du tout. On a été dans un vrai, vrai, vrai échange. Et puis moi, j'aime beaucoup le zouk, donc il y a. Je sais pas, en tout cas, ça a été. Un bel échange pour moi, c'est comme une grande sœur, je dirais pas une maman pour pas l'offusquer, mais comme une grande sœur, parce que c'est vrai que sur le parcours, sur la création de cet album, sans le savoir, il y a des moments stratégiques où elle a eu exactement les bons mots. Et au final, donc ce titre est vraiment super symbolique. Alors, un passage de relais, je sais pas, mais très symbolique. Donc, en tout cas, on peut voir dans le texte ce petit clin d'œil, puisque toi, dans ta partie, tu parles du zouk. Mm-hmm. Bah, la sienne, elle parle du caco. C'est ça. Donc il y a vraiment cet échange et je pense déjà ce respect mutuel. Donc comme tu dis, j'ai retenu quelques phrases de Jocelyne dans ce texte, mm-hmm. notamment « c'est pas là pour mander, si c'est là pour aller, bat chez nous qu'à tracer ». T'as tout compris. Et ça m'a vraiment fait penser, j'ai essayé d'imaginer ce que c'était à l'époque de Kassav que de se lancer dans cette musique. Mm-hmm. Surtout sur les premiers albums qui étaient très expérimentaux, des mm-hmm. fois un peu surprenant. Mm-hmm. Est-ce que dans le cadre de la musique Kako, donc mm-hmm. Je sais que forcément tu travailles énormément, notamment avec Exos sur c'est l'album, mm-hmm. T'as participé au Kako Labo. C'est ça. Est-ce que vous avez un peu cette même impression d'être un peu, je vais pas dire des illuminés, mais en tout cas des avant-gardistes dans un dans ce domaine. Ah, je sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait interroger Exos pour sa part. Parce que ce qui est très particulier, c'est que lui, il a initié une mouvance et puis derrière, on est tout plein d'artistes à s'approprier finalement ce qu'il a fait de façon différente en fonction de nos expériences, en fonction de nos parcours musicaux, de nos influences. Je sais pas ce qu'il pense lui de ça. Moi, je pense pas du tout en fait, parce que souvent il m'est arrivé dans des interviews d'ailleurs de dire que je faisais du zouk à l'époque où je faisais la promo de Paye-moi et de Forme ici. C'est arrivé très souvent parce que on discutait souvent de diffusion, de format radio, etc. Et je leur disais que je suis quasiment sûre qu'un Sillé Bois à l'époque ou qu'un Chouboulé de Kassav à l'époque n'aurait pas été programmé aujourd'hui en radio parce que pas considéré comme du zouk, parce qu'effectivement c'est des titres qui sont hyper mélangés, très très riches et qui sont du zouk pour nous. Donc j'avoue que pour moi pas du tout, hein. Pour moi on utilise ce qui existe, on est loin d'avoir inventé quoi que ce soit puisque finalement ce sont des mélanges à partir de choses qui existent, donc des illuminés non, peut-être des audacieux par rapport à l'époque. Ouais, qui voudraient qu'on soit dans des carcans plus faciles à diffuser, mais pas des illuminés, non. Autre chose, ce morceau donc, qui serait un caco zouk ou un zouk caco, je sais que sur la... Peut-être au niveau des journalistes, en tout cas pour des formules un peu faciles, ouais. Toute la nouvelle scène créole qui est présentée comme une alternative au zouk un peu moribond, mm-hmm. J'ai trouvé ça aussi intéressant voilà, aussi de revendiquer ce zouk comme une musique qui fait partie de toi. Totalement, totalement. J'ai grandi, moi je suis née en 82, mon Dieu, ça fait longtemps. Et, donc du coup, oui, moi j'ai grandi avec le zouk de Kassav particulièrement. Et puis après, j'ai été une fan de Tania Saint-Val, de Jean-Michel Rotin, etc. Donc non, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma musique et je trouve que ça fait vraiment partie de cet album pour le coup. Même si il reste ouvert à d'autres influences, mes deux bases, en tout cas Groka et Zouk, sont bien là. Nouka, elle est d'ouvant, donc on va de l'avant, on continue. Un cri de marche qui est un peu en résonance avec le nom de l'album Liberté. Mm-hmm. C'est donc on l'a dit Kako, mais en fait même plus encore, puisque très tôt dans l'album, on est un peu challengé par un côté rock sur le titre. Zozio et l'appli, mm-hmm. et on pourrait peut-être ne pas s'attendre à ça d'une chanteuse, comme on dit, étiquetée nouvelle scène créole. Mm-hmm. Où est-ce que tu trouves ta liberté musicale ? Alors là, ça c'est une question. Je crois que je crois que c'est le bon Dieu. Je crois que c'est l'inspiration, et puis c'est mon parcours, tout simplement. J'ai écouté beaucoup de musiques différentes pendant toute ma jeunesse, et j'ai toujours beaucoup aimé le rock, en tout cas certains rock. Donc du coup pour moi c'était assez naturel, assez spontané, je saurais pas dire pourquoi. D'accord. Mais donc c'était pas une volonté de surprendre ou de fuir les stéréotypes. Ah non, du tout, surtout qu'il y a bon nombre de choses là de ma quête qui datent de 6-7 ans. Voilà, c'est des titres qui ont ensuite été réarrangés, retravaillés. Mais Zozio et l'appli fait partie des titres qui existent depuis un petit moment, je crois même en même temps qu'Africa fait, donc ça fait bien 8 ans. Ouais. Zozio et l'appli, mais aussi Zie qui lâche, Musique en nous, on l'a entendu à l'instant. Femme ici, je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qui ont énormément d'énergie, mm-hmm. De dynamisme. Alors, est-ce que c'est un aspect important de ta musique ? Et j'ai aussi vu dans les choix des featuring, Valérie Loury, Jocelyne Béroir, mm-hmm. Vous n'avez pas choisi forcément des morceaux doux. Mmh. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur ? Alors, le choix des combinaisons sur des titres particulièrement dynamiques, c'est moi qui l'ai fait, parce que je trouvais que ces deux titres collaient bien aux deux personnalités que j'ai invitées sur l'album. Ensuite, la dynamique, je crois que c'est mon caractère, hein, tout simplement. J'ai des moments très, très lourds aussi, tu vois, très, très doux, mais je suis une femme de combat, en général, dans ma vie de tous les jours. J'aime bien me lancer des défis, même si c'est pas toujours évident. Donc je pense que c'est à l'image de mon caractère, ouais. Femme de combat, on entend en fond musical le titre « Femme ici » avec cette phrase en mi-temps « Papoto » qui revendique le, on va dire, le droit à la sensibilité donc, de la femme, notamment de la femme guadeloupéenne. Et en même temps, tu dis bien une femme de combat. Donc comment tu trouves on va dire, cet équilibre ? Et surtout, ma question, c'était guitare électrique et gros cas dans le morceau. Est-ce que c'est pas un peu surprenant pour un morceau qui veut justement ne pas donner l'image, enfin peut-être, de la femme potomitan, au sens où on l'entend Mais c'est justement là qu'il est le combat. Il n'est pas dans les stéréotypes ni dans les choses, j'allais dire, dans les a priori. Je dis globalement dans Femme ici qu'une femme forte n'est pas une femme qui ne pleure pas, c'est tout le contraire. C'est une femme qui assume ce qu'elle est, le fait qu'elle soit sensible, le fait qu'elle puisse être fatiguée, qu'elle puisse pleurer parfois. Et c'est une femme qui prend toute sa force de ces moments difficiles. Parce que souvent, voilà, c'est dans les moments où on prend le temps de réfléchir, de prendre du recul, qu'on récupère de la force pour repartir. Donc non, pour moi, c'est tout à fait cohérent. Et pour moi, le combat, il est là, justement. Il n'est pas dans nécessairement explosif ou dans la revendication outrancière, il est dans les moments difficiles. Et puis après, musicalement, encore, c'est vraiment lié à moi, à mes univers. J'aime la guitare électrique, j'ai déjà dit, j'aime le rock, etc. Pour moi, vraiment, ce sont des mélanges qui sont tout naturels. Et c'est là qu'est peut-être le souci quand d'autres écoutent la musique et qu'ils trouvent ça surprenant. Pour moi, ça ne l'est pas. Donc j'aurais du mal à te dire pourquoi c'est étonnant, je sais pas. On l'écoute en fond, mais on va le remettre, si tu peux le caler. On va l'écouter, un petit extrait de Femme ici. On précise que le clip est disponible, vous pouvez le voir sur YouTube. Composition de Cacophonie Beatmeca. Ni ça qui joke, ça qui est mab, ça qui va au boc. Nous c'est femme ici, ça qui veut les sommes, non pour contrôler, oublier, nous saluer. Nous c'est femme ici, manipulez, capant, escalculez. Nous c'est femme ici, sensible, femme qui belle, femme naturelle. Nous c'est femme ici, pour y'en pas qu'à s'en mettre, nous toutes ces. Nous c'est femme ici, si vous voulez te garder au Québec. Faut trop raide, faut pas vivant, même si en mi-temps. Femme qui prend force, femme qui faiblit, femme qui goûte, mais est pas si vivant. Sans dit photo, mi-temps raide, tuette, ni courage, et pas qu'à mourir. Mais femme, c'est sens, délicatesse, si peuple Jenny, Femme ici, on a parlé à l'instant du choix de tes invités, Valérie Loury, de Jocelyne Béroir. Est-ce que tu peux un peu nous donner tes références en termes de chanteuses, mais enfin de musiciens, tout simplement ? Ah, j'en ai eu tellement sur mon parcours, mais il y en a que je reconnais et que je garde souvent comme trio quand on me pose la question. C'est Anita Baker, qui a été pour moi une vraie révélation dans mon parcours de jeune chanteuse. Une super chanteuse de jazz, c'est un CD qui m'a été offert comme ça, un peu par hasard, en Guadeloupe, et j'en suis devenue une grande fan. Angélique Kidjo et Jocelyne Béroir. Et comme on m'a déjà posé la question et que j'ai déjà pris du recul sur la question pour évaluer les raisons pour lesquelles finalement j'aimais ces trois personnes, je crois vraiment qu'elles ont toutes les trois une espèce d'interprétation comme ça qui est très organique. Il y a quelque chose de. On a l'impression qu'elle chante que c'est une question de vie ou de mort. J'aime beaucoup ça. Les personnes entières, avec beaucoup de caractère et en même temps une grande sensibilité. Je crois que ces trois chanteuses-là sont vraiment à l'image de ce que j'aime. Ouais. Alors, puisqu'on parle d'interprétation organique, on va pouvoir enchaîner avec le titre En mi-temps qu'est. donc qui est le single premier, enfin single officiel, même si c'est le troisième clip finalement, oui, extrait de cet album. Donc comme on dit, troisième clip, allez voir sur YouTube, allez faites passer le message. On va parler en fait d'abord d'écriture, ouais, puisque tu écris toi-même tes textes, et je voulais savoir d'où vient ton inspiration en termes d'écriture. Pareil, s'il y a des références particulières à citer. Il n'y en a pas du tout. J'aime bien ça déjà, écrire. Et puis, d'où viennent mes inspirations ? Honnêtement, je ne saurais pas le dire. Hein. C'est, non, c'est vrai, c'est... ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Oui, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question. Je sais que ça vient dans des moments, par exemple, en mi-temps-quai. C'était aussi lié à une histoire d'amour. Il y a forcément des petits moments de spleen, des petits moments compliqués. Voilà, souvent on est plus créatif dans les moments difficiles. Donc c'est un texte que j'ai commencé à écrire à une époque un peu comme ça. Pour les titres un peu plus dynamiques comme Formici, c'est plutôt l'instru de base qui m'a inspirée. Donc ça dépend aussi. Parfois la musique peut inspirer dans certains sens. Des fois ce sont les situations. Des fois. Je me réveille avec une mélodie, simplement une mélodie dans la tête, et puis ensuite les mots arrivent, ça vient comme ça. L'amour pas qu'apparaît par hasard, l'esprit qu'est, corps qu'a joigne pour dire merci bon Dieu, merci la vie. Donc comme tous les auditeurs ne sont pas créolophones, est-ce que tu peux nous faire un petit exercice de traduction, ou en tout cas pour nous expliquer un peu cette phrase? La phrase dit que l'amour n'apparaît jamais par hasard, et que l'esprit, le corps et le cœur se joignent pour dire merci à Dieu, merci à la vie. En gros, c'est ça, la traduction littérale, je pense. Ça fait une sacrée pression, quand même. C'est vrai, pourquoi ? Ça me fait penser au titre, bon, c'est une parenthèse, le titre « Le temps d'aimer ». Et oui, ça fait quand même une sacrée pression sur les épaules de la personne qui c'est vrai ? Ah ouais, bon. Quoi ? L'esprit qu'est, quoi qu'à joindre pour dire merci bon Dieu, merci la vie. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je construis une relation. On n'est pas avec quelqu'un par hasard, selon moi. Donc les chemins se croisent sûrement parce que quelqu'un l'a voulu, de très haut, selon moi. Et puis ensuite, en tout cas pour ce qui est des véritables relations, hein, des vraies relations d'amour, non, pour moi en tout cas, rien n'arrive par hasard. Et oui, quand l'amour s'en mêle, il y a cœur, corps, esprit. Ça me semble logique. Enfin, le moi, titre, en tout cas. Tout à fait. Le titre, En mi-temps-quai. Comme on a dit, l'album démarre sur un tempo assez soutenu. Mm-hmm. Et donc, je pense qu'En mi-temps-quai, excusez-moi, un morceau important de l'album, puisqu'il, on va dire, c'est vraiment on parlait des morceaux, de l'énergie, etc., qui faisait vraiment partie de toi. C'est un morceau beaucoup plus doux, avec une très belle composition de Siam Lee, il me semble. Alors, c'est une co-composition. Co-composition avec toi également. On va revenir là-dessus. Et donc, on va écouter le titre En mi-temps-quai tout de suite. Nouveau single de l'album de Génie. En mi-temps qu'est en moins du, pas dit câliné, non moins pas obligé. Pense si coup, pas mes yeux ou qu'est rapproché. En mi-temps qu'est Génie, quand on regarde les crédits de l'album, on voit Exos très présent sur l'album. Phonique a également deux compositions, mais on voit aussi ton nom, presque le plus présent, il me semble. Je voulais savoir comment l'album a été composé. Moi, j'ai mes premières compositions sur l'album déjà, enfin une première composition totale, parce que jusque-là, j'avais toujours participé à la composition des titres, jamais été seule. Certains titres ont démarré avec les bandes instru de Dexos ou de Phonie. Voilà, donc ça a été comme ça, des choses qui datent de super longtemps. Bon, des fois c'était simplement des boucles, des fois voilà des premières bases de beats, etc. qu'on a modifiées ensemble en studio avec l'apport au départ. Alors il y a des premiers titres qui ont été d'abord rejoués en studio. Donc au départ il y avait Didier Juste, Eric Delblon, des gens qui sont venus en studio. Parce que je dis Exos, ouais, je pense que là on peut rajouter une guitare, est-ce qu'on peut rajouter une basse, etc. Voilà, hein. Moi je suis du genre autodidacte, donc je chante beaucoup les instruments que j'ai envie de rajouter. Donc je chante la basse, ou je chante la mélodie de la guitare, ou je tape la percu sur la table, enfin, etc. Donc ça s'est passé comme ça, les choses ont été un peu composites comme ça. Dans un premier temps, il y a. Ça, c'est, en tout cas, c'est le format pour la majorité des titres, donc qui ont été ensuite arrangés. Pour le coup, avec l'apport d'instruments additionnels, mais les bases ont souvent été des bases électroniques d'Exos ou de Phonie. Ensuite, il y a eu une base électronique de Manuel Mondésir, qui était celle de Zéquilage, qui aussi a été réarrangée en studio avec l'apport de Stéphane Castré à la basse, de Olivier Juste au percu et de, je crois, Yann Négrit à la guitare, si je me souviens bien, je ne sais plus trop. Donc voilà, ensuite il y a des titres, d'autres titres comme Liberté ou Rouvini et En mi-temps qu'est sont des titres sur lesquels, enfin, la base c'est ma mélodie. Et après on arrive avec d'autres arrangements, donc là il y a eu des arrangements violon de Siam Lee ou des arrangements guitare à 2-3 endroits. Sur Liberté, pareil, c'est une première mélodie avec des premiers accords que j'ai plaqués très modestement sur mon clavier à la maison et que j'ai envoyé à Didier Davidas, donc qui a fait les arrangements du titre. Et Rouvini, pareil, donc là c'est un ordre un peu différent. On va dire en tout cas qu'en général tout est assez artisanal dans le sens où que ce soit à partir d'une base électronique ou à partir d'une simple mélodie qui me vient, sachant que je ne suis pas instrumentiste, que le clavier c'est vraiment pour créer une première base de mélodie, je fais tout de manière très, très spontanée comme ça. Donc je chante par exemple sur Rouvini, c'est une base que j'ai chantée, que j'ai envoyée à Stéphane, il m'a dit ok moi je trouve ça bien, je peux t'apporter ça en plus ou pas, etc. Donc c'était très, très artisanal, quoi. Voilà. Comme tu as dit, il y a quand même pas mal de musiciens qui interviennent sur l'album. Oui. Mais en même temps, donc, tu fais tout, tu écris, tu composes. Il me semble également que tous les chœurs sur l'album sont de toi. Je voulais mettre ça un peu en lien avec le titre de l'album Liberté. Est-ce que, on va dire, ce contrôle total que tu as sur le projet, peut-être pas le mot le plus élégant, est-ce que c'est une composante importante de cette liberté dont tu veux parler? Oui, je pense. Enfin, au départ, je n'ai pas pensé comme ça, mais je pense que c'est important dans le sens où, oui, enfin, selon moi, en tout cas, quand on prend le temps, après plusieurs étapes dans mon cas, parce que ça a été assez long, de réaliser un album, ça veut dire qu'on communique un propos, qu'on a quelque chose à dire et on ne peut pas laisser les autres le dire à sa place. Ça me semble vraiment évident. Donc pour moi, oui, il était important d'être... d'être là jusqu'au bout du projet, d'avoir conscience de toutes les étapes. Et c'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, même après la sortie. Oui, j'aime savoir ce que je fais, comment c'est fait, et être en total accord avec mes collaborateurs, en tout cas en règle générale. On va écouter encore un extrait de l'album Pays Moins. C'était le premier extrait, mais cette fois, c'est la version acoustique également présente sur l'album qu'on va écouter. Mmh. cela nous caresser. Moi ça vous fait pas imaginer. Passe là où il est là, dans la glace. Où t'es qu'il y avait nous si où t'es fait. Où ça va nous qu'à courir comme vous. Non à pas plage et cocotier qu'à travailler. Pour nous pas vine fou et pour vous. Mais ça nous qu'à voyer réchauffer. Dion quelqu'un fois dion la vie sourit palais. Pas ni temps pour ça. Yo t'es trouvé tant si yo t'es tant de sang. Chalet en quelqu'un chalet on la rigade palais. Ni trop temps pour ça. Y pas meilleur mais y café tout son. L'album Liberté de Génie est ancré dans un pays, la Guadeloupe, pays moins, un titre présent deux fois sur l'album en version acoustique et en version caco d'Exos. Je voulais savoir quelle version tu préfères entre les deux. Les deux font partie de moi parce que les deux font partie d'un long processus encore une fois. La première version Oui, j'ai un lien assez affectif avec la première version parce que c'est vraiment le début de l'élaboration, en tout cas de la prise de conscience qu'il fallait que j'arrive à créer quelque chose qui soit à l'image de moi-même, que j'arrive à travailler sur un album qui soit le mien, parce que jusque-là, j'avais fait beaucoup de collaborations, beaucoup de choses avec d'autres personnes et rien qui soit personnel. Et donc oui, ça m'a permis de mettre le premier pas vraiment dans la direction musicale dans laquelle j'avais envie d'aller. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur. Mais pour le coup, la version acoustique est aussi... c'est aussi finalement la preuve que je me suis libérée avec le temps, que j'ai trouvé d'autres façons d'interpréter les titres. C'est aussi à l'image du fait que j'ai fait des scènes aussi ensuite et que je n'ai pas toujours pu être avec... des gros bands pour avoir tous les instruments de l'album et donc du coup je me suis retrouvée dans des versions guitare-voix et j'ai découvert qu'il y avait des titres qui vivaient vraiment bien comme ça. Donc non, c'est un titre en tout cas qui est central parce qu'il note vraiment le départ de mon parcours en solo. En pays qu'à part au gaz, mais le loin ou besoin, une déclaration d'amour à ton pays très particulière. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la Guadeloupe aujourd'hui, sur ton pays? Oh là là. Ma Guadeloupe. Compliqué, en tout cas pour moi, d'être loin d'elle. J'avoue que j'y pense tous les jours et que j'y retournerai très vite. Non, j'ai toujours autant d'espoir pour la Guadeloupe, quoi qu'on en dise, que l'on puisse entendre à travers les médias en termes d'actualité, de violence ou d'autres choses. Je pense toujours que la Guadeloupe est riche de talents, que sa jeunesse est riche de ressources, que sa culture est forte et qu'on a les moyens d'aller encore plus loin, de la faire grandir. Donc, un amour démesuré pour mon île. Ouais. Artiste guadeloupéenne signée sur un label Lusafrica qu'on identifie surtout à des grands artistes capverdiens et africains. Je voulais savoir quel regard cette maison de disques a eu sur ton projet quand tu le leur as présenté. Et quelle connaissance de la musique de ton pays ils avaient? Alors, le regard porté au départ était heureusement pas du tout formaté ou pas du tout cloisonné. Il n'y a pas d'image particulière, hormis celle du zouk qui est connue de tous. Donc au départ, il y a eu une surprise, un étonnement de la direction musicale, un étonnement par rapport au choix. Je sais qu'ils ont été regarder les éventuelles vidéos, les vidéos de scène, etc. Et non, finalement, le regard a été très ouvert. José Da Silva, donc, qui dirige ce label, m'a tout de suite dit qu'il sent qu'il y a quelque chose par là et que... et qu'il n'avait pas l'habitude, par exemple, de travailler sur des albums avec de la musique électronique, parce qu'il y a énormément de mélanges, que ça allait être pour lui un saut en parachute, mais qu'il sentait qu'il y avait de quoi faire. Non, l'accueil a été vraiment très, très, très positif, à ma grande surprise, dès le départ. Et voilà, donc j'ai simplement eu éventuellement à rajouter deux titres que j'ai composés surtout vers la fin, donc d'ailleurs Rouvigny et Liberté, parce qu'il avait envie effectivement qu'il y ait des titres qui collent un petit peu plus à l'univers du label lui-même. Mais voilà, aucun refus de composition, tous les titres que j'ai ramenés sont là, sont sur l'album. Et après, quel regard ou quelle connaissance ils avaient de l'univers, ben effectivement, mis à part le Zouk, il n'avait pas connaissance de cette nouvelle génération d'artistes qui partaient dans des mélanges de musique d'univers un peu plus large. Il avait déjà distribué, je crois, un album de Kassav à l'époque. Et donc, voilà, connaît globalement la musique de Kassav, mais en connaissait pas tellement en plus. Voilà. Aujourd'hui, on est donc effectivement, d'ailleurs, c'est un détail important, confronté à cette réalité, finalement, de j'allais dire, français, qui ne connaît la musique antillaise qu'à travers le zouk et qui donc du coup a un regard des fois soit très stigmatisé de ce qui va leur être emmené et donc du coup découvre l'album avec plaisir, soit pour le coup je découvre que le regard porté sur le zouk est très réducteur et que donc du coup quand je passe dans certains médias je me retrouve souvent à dire que c'est la méconnaissance du zouk finalement qui fait que c'est une musique aussi stigmatisée, parce que mon album leur paraît différent, mais qu'il est riche de zouk. Donc voilà, enfin bref, c'était juste une chose que j'avais envie de préciser, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans le regard des journalistes musicaux, Music World, dits nationaux. L'interview touche bientôt à sa fin. Je voulais parler du titre Africa Fait, oui, qui fait partie de mes préférés en tant que grand fan de hip-hop créole, mais on n'a pas le temps. Ah, on va passer, je pense, à la dernière question. Ok, bon, pour revenir un peu sur ton parcours, oui, on a dit que c'est ton premier album, oui, mais on a pu te connaître il y a maintenant un petit moment, en Guadeloupe avec le single Mister DJ, beaucoup de collaborations, notamment avec Admiralty sur le titre Doom Doom, Eno Clan, Star J-Exos. Tu as fait partie de la comédie musicale La Ruse Abîme. Et donc voilà, on arrive à cet album Liberté en 2013. Est-ce que tu peux un peu nous dire, voilà, est-ce que c'est un aboutissement, un nouveau départ, commenter un peu ce parcours? Les deux à la fois, c'est le résultat de 10 années de travail finalement par rapport à tout ce que j'ai pu faire, autant tout ce que j'ai fait dans le milieu urbain que dans la comédie musicale. Ça m'a permis de prendre confiance en moi. Donc le résultat de 10 années de travail et en même temps, cette confiance permet de repartir sur un nouvel élan, de s'assumer soi-même, de se délivrer en tant qu'artiste à part entière. Donc à la fois le résultat d'une belle expérience et le début d'une nouvelle aventure. Voilà. L'album s'appelle Liberté, l'artiste génie. Est-ce que tu as un tout dernier mot pour les auditeurs de Conan Lamby? N'hésitez pas à aller découvrir l'album Liberté. Voilà, il est à l'image de la Guadeloupe et je pense d'une nouvelle génération d'artistes qui a envie d'utiliser sa source, sa culture pour aller encore plus loin, défoncer les portes et aller voir le monde. On va se quitter avec le titre éponyme, justement, Liberté. On va juste préciser que Conan Lamby revient tous les dimanches et que la spéciale musique jeudi, c'est toujours le premier dimanche du mois. Donc nous, on se revoit début janvier, au premier dimanche. On pourra encore parler de toutes ces musiques créoles contemporaines qu'on entend peut-être peu, qu'on méconnaît, mais c'est histoire de vous faire découvrir tout ça. Le titre, c'est Liberté, extrait de l'album du même nom de Génie. Construit tout ça, nous voulons zénifier pour nous-mêmes.